Beau temps de Marilyn Desbiolles. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. C'est le printemps. La glycine est mûre, somptueuse. Ses grappes gonflées et déjà emportées par le vent. Je regarde une photo de Maurice Jobert. Les cheveux plaqués, le nez droit, les lèvres pleines, très dessinées, la fossette au menton, les yeux soulignés de noir, de légers cernes, l'air tragique. Il porte une cravate, un manteau à chevrons, le col négligemment relevé. Il nous regarde en face, franchement. Il est très beau, bien entendu. C'est une photo de 1932, le printemps de 1932. Tant de rencontres, de transformations. Quatrième mouvement. Maurice Jobert est nommé directeur musical des studios Pathé Nathan de Joinville. Il y dirige l'orchestre symphonique et n'hésite pas à faire appel à de prestigieux solistes. Maurice Jobert et Jean Vigo se sont enfin rencontrés. J'ai lu quelque part que rien pourtant ne les prédisposait à se plaire. Jobert le catholique, fils de bourgeois, et Vigo le révolté, fils d'anarchiste d'origine espagnole et catalane. Maurice Jobert et Jean Vigo se plaisent. Jobert le catholique n'a rien d'un béni oui-oui, la messe n'est jamais dite. La religion est pour lui un motif supplémentaire de révolte. Vigo n'est en rien dogmatique. La fantaisie lui est consubstantielle. Je connais par cœur les mots de la carte postale de Chartres qu'il envoie le 19 mars 1933 à Jobert, qui vient de composer la musique de Zéro de conduite. Vous êtes un type très bien. Et votre femme aussi est très bien. Je vous aime assez, je crois. Je suis bougrement content. Solidement vôtre, Jean Vigo. Ils se plaisent. Une fraternité d'allure, la pommade et les cheveux noirs que Maurice lisse soigneusement et que Jean laisse librement onduler. Leurs yeux brillent, ils sont jeunes. Jobert a 32 ans, c'est facile de compter les années avec lui. Vigo, 27. Ils ne seront pas vieux. Vigo n'aura jamais 30 ans. Vigo a eu une enfance bien plus difficile que Jobert. Mais à tous les deux, l'enfance ne passe pas. Jobert comme Vigo sont pressés par le temps. Mais le temps qui leur est compté a l'intensité du temps de l'enfance. Son allure, son tempo, son ralenti. Après presque 4 ans passés à Nice, Vigo, malgré la maladie, a regagné Paris, où ses projets auront plus de chances de se concrétiser. Le 24 décembre est un drôle de jour pour commencer un tournage. Mais il est le jour rêvé pour mettre en œuvre, pour mettre à feu, le film de l'enfance irréductible. La musique berce et grince en même temps. Berceuse lancinante qui prend en elle le roulis du train. Il est question du sommeil dans Zéro de conduite. Un sommeil mouvementé, charrié par le train, puis chahuté dans le dortoir. J'aime beaucoup cette berceuse bizarrement entraînante du début. Mais la procession des enfants dans le dortoir est le grand moment du film et de la musique. Les enfants en chemise de nuit blanche ont mis le dortoir à sac. Ils ont crevé leurs oreillers. Les plumes tout aussi blanches se sont envolées et partout répandues. Dans cette blancheur inespérée, les enfants rêvent debout. Il ne faut pas réveiller les enfants. Les arracher du nid bien trop tôt le matin. Ils finissent par tout envoyer en l'air. Les voilà qui rêvent éveillés. Ils rêvent ensemble qu'on ne les chassera plus du sommeil bienheureux. Ils sourient, ils rient aux anges. La musique est enregistrée à l'envers, la dernière note devenant la première. Et la scène est filmée au ralenti. Elle dure quelques secondes, mais elle est hors du temps. Elle dure toujours. Elle est inaugurée par une pirouette. Les enfants viennent vers la caméra, c'est-à-dire vers nous. Ils entrent en nous. Ils n'en sortiront plus. Ce bonheur suspendu, la révolte enfantine et l'accord de la musique et des images nous serrent la gorge. La musique est loin de couvrir le film, quelques minutes, mais elle paraît l'enlacer jusque dans ses silences. Le 7 avril 1933, le film est présenté au cinéma artistique, près de la place de Clichy. c'est la curée. Quelques semaines plus tard, soumis à la commission de contrôle des films, autrement dit à la censure, Zéro de conduite est immédiatement et totalement interdit d'exploitation. Il faudra attendre 1945 pour que le visa soit obtenu, sans la moindre difficulté d'ailleurs. Maurice Jobert est souvent agacé par le cinéma. Il lui arrive de trouver que c'est même une chose assez dégoûtante. Mais l'Atalante doit le laver de ce dégoût. À la fin du mois d'août 1933, Vigo commence à inventer l'Atalante. Malgré les déboires de Zéro de conduite et les pertes financières, l'excellent Louis Nunez, le producteur, est partant pour continuer l'aventure. Pour déjouer la censure, il propose à Vigo un scénario que le réalisateur qualifiera de « scénario de patronage ». Louis Nunez a dans l'idée que Vigo aura à cœur de déployer tout son génie précisément parce que le scénario est anodin. Il connaît bien l'oiseau. Vigo crée un film puissamment amoureux. Le désir n'a rien à voir avec la noce, la sinistre procession du début que distancie vite fait les jeunes mariés, comme poussés par la musique, glissant entre les meules de foin avant de déboucher dans la campagne grande ouverte. La péniche sera leur refuge. Refuge des amants qui jouent comme des enfants. Refuge des chats. Refuge magique du père Jules. Un père Jules incarné par Michel Simon qui invente de formidables réparties et prête son corps rugueux au second de l'Atalante. Et que d'eau, l'eau du fleuve où s'immerger pour voir l'être aimé. Car plonger dans le fleuve, c'est comme plonger dans le sommeil ou dans le cinéma pour voir des apparitions. La scène des amants séparés est sans doute la plus érotique et la plus poignante du film. Le désir engage l'être en son entier. Sous nos yeux, les amants jouent leur peau. Chacun dans sa chambre, à des kilomètres l'un de l'autre, ils se désirent, réunis à l'image par le montage parallèle de leur solitude désirante et par la surimpression d'un rideau à poids qui les dévoile pareillement. Et jamais sans doute la musique n'a à ce point épousé les images d'un film. Dès le début, se mêlent les deux tonalités du film comme les deux airs, le chant des mariniers et la rengaine d'amour. Belle à pleurer, précisément parce qu'elle n'est pas sentimentale, mais grave et mélancolique, presque tragique. Juliette en robe de mariée marche sur le pont de la péniche comme elle marche dans la musique, perdue, prête à s'envoler et finalement consentante. La musique transporte le réel, l'émeut, le met si bien hors de lui qu'il nous apparaît. Dans ce même moment, la France est secouée par l'affaire Stavisky, un escroc qui aurait bénéficié de la protection de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques et de patrons de presse. Début janvier, Stavisky est retrouvé suicidé dans sa villa de Chamonix. L'extrême droite mène campagne contre le régime, une campagne antiparlementaire et antisémite. Le 6 février, les ligues d'extrême droite, l'Action française en tête, manifestent dans Paris. Les communistes manifestent également, les badauds se mêlent aux insurgés. Sur la place de la Concorde, les émeutes font 17 morts, dont un dans les rangs du service d'ordre, et plus de 2000 blessés. Le 9 février, le Parti communiste appelle à manifester, et de nouveaux affrontements sanglants ont lieu place de la République, faisant 6 morts et des centaines de blessés. Le 12 février, des cortèges communistes et socialistes fusionnent, place de la Nation, et la grève générale est très suivie à Paris comme en province. À Nice notamment, des milliers de personnes descendent l'avenue de la Victoire. Vers le milieu de ce mois de février en effervescence, un premier montage de l'Atalante est terminé. Vigo part se reposer à la montagne, à Villard-de-Lans, avec Lidou, sa femme. Il reviendra en mars plus malade que jamais, et dès lors ne quittera plus guère son lit. Le film est présenté aux exploitants et à la presse. Il se trouve de rares critiques pour l'aimer, mais les exploitants de la Gaumont exigent que la chanson en vogue « Le chaland qui passe » soit incorporée à la bande-son, mutilant presque entièrement la musique de Jobert. Et afin de bien enfoncer le couteau dans la plaie, que le film soit débaptisé pour adopter le nom de la rengaine. le film sera accueilli par des sifflets et n'aura aucun succès. Viggo ne revoit pas son film et meurt moins d'un mois plus tard. Il est enterré au cimetière de Bagneux, où repose son père, et Lidou l'y rejoindra à peine 5 ans plus tard. Viggo aura été beaucoup trahi et beaucoup aimé. J'ai 2 photos en tête. Sur la première, Jean Viggo est presque un enfant. Il a 22 ans. Il est assis sur le lit où est allongée la belle Lidou, souriante comme sur toutes les photos, auréolée de son incroyable chevelure noire. Si elle est allongée, c'est qu'elle est atteinte de tuberculose osseuse, qu'elle doit porter un corset et rester couchée. Sur l'autre photo, c'est Lidou qui est assise sur le lit, et Jean est couché. Il a un pauvre petit sourire. C'est 1 mois avant sa mort. Maurice Jobert a pu imaginer que plus jamais sa musique n'épouserait la Talente. Une première version restaurée, mais toujours bien plus courte, sortira sous son vrai titre et avec la bonne musique à l'automne 1940. Mais il faudra attendre 1950 pour qu'Henri Langlois entreprenne une restauration sérieuse du film à la Cinémathèque. Langlois eut à sa disposition 5 à 6 000 mètres de rush. Il découvre alors des choses superbes, tellement superbes que Viggo les a retirées pour atteindre la simplicité en grand artiste qu'il était. La Talente est un miracle, et ce miracle irriguera la nouvelle vague et le cinéma tout entier. L'année 1934, vous n'avez pas idée de ce que c'est, dit Langlois. Mauvais temps pour le cinéma, qui dit le mauvais temps tout court, la catastrophe qui s'annonce. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Je n'ai pas idée non plus. Je n'accumule pas de savoir. Je ne l'empile pas pour l'hiver. Je le brûle à mesure. Mais ses cendres, comme l'exemple de Maurice Jobert, sa quête d'une matière sonore impersonnelle, infuse dans mes mots. Lorsque Langlois parle de la musique de La Talente, il ne prononce pas le nom de Maurice Jobert. Il parle du langage de la musique qui entre dans le film, fait corps avec lui. Musique innommée qui rejoint ce que nous ne savons pas nommer nous-mêmes. Pour Maurice Jobert, l'année 1934 commence par une période d'exercice militaire à Strasbourg. Il construit un pont sur le Petit Rhin. La ville lui paraît triste, noire et vide. Il regrette d'avoir quitté Marthe. Il regrette qu'il n'y ait pour comble pas un poil de neige sur les Vosges, où il aurait pu skier. Mais il prend l'air, loin de Pathé, dont le joug lui est de plus en plus pénible. Regret et bonheur de l'éloignement. L'année noire. L'été qui porte la promesse du retour à Nice, des baignades et des courses en montagne, l'été lui-même est endeuillé. François Jobert, son père, est si gravement malade qu'il n'y a aucun espoir de guérison. On tente quelque chose pendant l'été, on lui coupe la gorge. Maurice descend de nouveau à Nice. La cicatrice est très bien faite, mais si profonde. Et François a perdu sa voix, sa belle voix d'avocat, sa belle voix de baryton que Maurice n'accompagnera plus au piano. On ne dit pas à François la gravité de son état, mais il est abattu et se préoccupe de savoir de quoi sa famille va vivre, car sans voix, il ne pourra plus plaider. Les Jobert, décidément, ne sont pas des rentiers. Pendant l'été où François se meurt, Maurice compose la musique du nouveau film de René Clair, Le dernier milliardaire. Portrait à charge d'un banquier fou qui tyrannise une minuscule principauté où il est adulé pour sa richesse. Le destin du film est digne de l'année noire. Il sort en novembre, le lendemain de l'assassinat du roi de Yougoslavie. L'atmosphère est électrique. Les mouvements d'extrême droite viennent assister en nombre à la projection. C'est un tollé qui, savamment orchestré, démolit le film. François meurt le 18 novembre, 4 jours après la première de Tessa. La pièce, adaptée de Jean Giraudoux et montée par Louis Jouvet, a un grand succès. La chanson de Tessa, que Maurice écrit pour chant et piano, la chanson des amants séparés par la mort est cruellement d'actualité pour Jean et Lidou Vigo, ou pour François et Haïdé Jaubert. J'aime bien cette photo de François en 1897. Il a 27 ans. Il est à bicyclette. On le voit de profil, moustache et barbe à l'impérial. Il porte un chapeau blanc, des bottes, un étui à jumelles en bandoulière. Il est plein d'entrain, de gaieté. Il est plein d'esprit. Sa bouche est légèrement ouverte. Il va avaler le vent. Adélaïde, la chère Haïdé, est à côté de lui. Elle n'est pas très gaie quant à elle, mais délicieuse. Elle s'apprête à remonter sa jupe pour monter à bicyclette à son tour. Ses beaux cheveux noirs sont retenus par une casquette. Le col de son corsage est orné d'une lavalière. Elle n'est pas très gaie, Haïdé, mais délicieuse. Et François a de la gaieté pour deux. Il y a longtemps que je cherchais à me dégager du pathos esthétique, du flou artistique et autres dévergondages du sentiment. Je réalisais d'un seul coup que le monde dans lequel je vivais était beau, simplement parce qu'il était vrai. Dès lors, je brûlais d'en rapporter la preuve. Maurice Jaubert aurait pu tenir ses propos de René Zuber. Ce grand photographe de l'entre-deux-guerres, novateur, radical, enregistre le monde des objets. Objets industriels, objets manufacturés, locomotives, rails, échafaudages, bacs à encre ou rotatives d'imprimerie. Il les enregistre avec une précision forcenée, obsédé par le rendu exact des matières, la force du blanc, la violence du noir. J'enrage de ne pas trouver le film de Zuber, En crête sans les dieux, pour lequel Jaubert compose la musique. Roger Lénart, le monteur du film, qui place très haut Maurice Jaubert, est au cœur de cette rencontre qui éclaire la fin de l'année noire et l'aiguise du désir partagé d'une vérité brutale et irrésistible. La neige, pas brutale, mais irrésistible, oui. Au début de 1935, une nouvelle fois, à Strasbourg comme l'année précédente, Maurice Jaubert accomplit sa période d'exercice militaire, à l'issue de laquelle il sera promu capitaine de réserve. Mais cette fois-ci, il trouve la neige dans les Vosges. L'année ne sera pas aussi noire. Maurice Jaubert renoue dans les Vosges avec les émotions qu'il a éprouvées enfant dans les montagnes des Alpes-Maritimes. Ces impressions très fortes de se trouver ainsi tout seul dans un pays totalement inconnu, car le pays natal n'en est pas moins toujours à découvrir. Libéré de ses obligations, il ne se soucie plus que de laisser le vide s'installer en lui. Pathé, justement, est en pleine déconfiture. Les studios vont bientôt connaître la faillite et en avril, Maurice reçoit sa lettre de licenciement. Il est soulagé et inquiet à la fois. L'année a commencé avec la neige, mais il faut attendre le printemps pour renaître vraiment. Au printemps, en mai, Maurice Jaubert va à Florence participer à la deuxième édition du Maggio Musicale Fiorentino, tout jeune festival d'opéra. J'apprends dans une lettre à Marthe que Maurice est allé à Florence en voiture, et surtout que cette voiture est une Paccard, découverte qui me met en joie. Une joie disproportionnée. Une excitation semblable à celle que j'éprouvais à accompagner mon père dans un garage à Nice, où il acheta une R8 blanche et siège rouge, dont la vente, 2 ou 3 ans plus tard, me fit pleurer tout aussi déraisonnablement. En mai, Maurice est à Florence. Le soir, il assiste aux représentations et le jour aux rencontres du colloque. De manière tout à fait hérétique, il y soutient que les films accordent trop d'importance à la musique. La ville l'éblouit. Les Uffizi, le plus beau musée du monde, les bords de l'Arno par-dessus tout. Il ne découvre pas la ville où enfant il est déjà venu. À Florence, Haïdé a vécu. À Florence, elle a épousé François. La ville de la beauté d'Haïdé. La ville de la beauté, de l'amour. La ville du printemps, de la naissance. La ville de l'Annonciation, de la Madone. La ville du printemps. La ville des commencements. Je suis sûre maintenant que je reviendrai avec toi, écrit Maurice à Marthe. Je crois, cher Maurice, que tu ne reviendras pas à Florence. À Florence, tout commence. Et rien ne finit jamais. Renaître. Imaginez qu'on peut renaître. Le 6 février 1935, à l'appel du Parti communiste et de la SFIO, 100 000 personnes défilent à Paris pour conjurer le 6 février de l'année précédente. Le matin du 14 juillet, les manifestants prêtent serment de rester unis pour défendre la démocratie, pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour mettre nos libertés hors d'atteinte du fascisme. Renaître. Imaginez qu'on peut renaître. Le 15 septembre, Hitler fait promulguer la loi qui prive les Juifs de leurs droits civiques. Le 3 octobre, Mussolini annonce que les troupes italiennes sont entrées en Éthiopie. Maurice Jobert est empêtré dans Meierling, un film d'Anatole Litvak qui, comme tant d'autres, a fui le nazisme et rejoindra bientôt Hollywood. Meierling fait vivre Jobert dans une atmosphère si empoisonnée que la musique du film sera signée du seul Honegger, alors que Jobert a composé la valse qui unit les deux amants, jouée par Charles Boyer et Daniel Darieux. Si cette valse passe inaperçue dans ce film poussif, elle deviendra la célèbre valse grise de Carnet de bal. La musique entraînante et mélancolique fait pourtant s'envoler la seule scène un peu étonnante de Meierling, où Daniel Darieux dit la joie qu'elle a de danser avec Charles Boyer avant d'accepter, quelques secondes plus tard, de mourir avec lui. À la 26e minute, sous le rideau fermé de l'opéra, la caméra affleure rapidement l'orchestre et son chef. Le profil connu et inconnu de Maurice Jobert, son corps en mouvement, la tête, les bras, le torse, les gestes nets et vigoureux, sans aucune coquetterie. Daniel Darieux n'a Dieu que pour Charles Boyer, mais je guette, quant à moi, le seul chef d'orchestre, que de rares plans de coupe ne nous montreront plus que de dos. Je ne vois rien de la scène, du ballet qui s'agite au-dessus. Je n'entends rien de Casse-Noisette. Je m'approche silencieusement de Maurice Jobert, par derrière. Sa nuque est ployée et ses cheveux noirs la soulignent précisément. Voir son corps en mouvement m'émeut bien plus encore que d'entendre sa voix. Sans doute parce que j'ai le sentiment de m'avancer vers lui à son insu, de le surprendre, de connaître quelque chose de lui qu'il ne peut pas défendre, quelque chose d'offert, de fragile. Et ce n'est pas comme s'il sortait d'entre les morts, c'est comme si j'entrais, éveillée, dans un rêve partagé. Sa nuque est ployée, découverte, on pourrait la longer de la main. Je m'avance vers toi à pas de loup. Tu es assis à ta table de travail et ta nuque est ployée. Je vois par-dessus ton épaule que tu écris de la musique, geste qui m'est à la fois familier et mystérieux. Je suis près et loin de toi, tout près et très loin de toi. Il faudrait que ce mouvement vers toi soit accompagné par ta musique, avec son allant, sa brusquerie et sa tendresse qui ne s'épanche pas. J'écoute Intermède pour orchestre à cordes, une des œuvres que Maurice Jobert écrit au début de 1936 et qui n'est assujettie ni au théâtre ni au cinéma. J'aime l'allégresse nerveuse de l'ouverture et de la forlan. Le lyrisme de la musique nocturne zébré tout à coup par un faisceau d'éclairs, un touti de cordes inattendu. J'aime la retenue mélancolique de la chaconne. Et pour finir, j'aime la gigue, étincelante, virevoltante, joyeuse, sans aucun nuage. Marthe l'avait prédit à Mine. Je crois que 1936 nous réserve à Je crois que 1936 nous réserve à tous des tas de bonnes choses. C'était « Le beau temps » de Marilyn Debiol, lu par Marie-Sophie Ferdan, avec les voix de Gonzague Van Berwessles et Odile Heimburger. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. Le beau temps de Marilyn Debiol est publié aux éditions du Seuil.